être étranger à Paris, une vie, une aventure. Mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. Au mangeur de tram qui trim, qui rame. Un optimino qui font le ramdam. Une vie, une aventure. Mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. Au mangeur de tram qui trim, qui rame. Un optimino qui font le ramdam. Rap Rabzouzou, Rabzounette. On s'en bat les couilles, tu sois honnête. Au big graveur, savonnette. Fils d'immigré qui veut pas se soumettre. Originaire d'Hammamet, Warlan, Warzazet. Marqué par la ville, soleil comme à Bagdad. À la Casbah, y'a pas que des grenades, y'a des grenades. Sur nos terrains, vague, ça déborde de Ronaldo. Et nos oreilles sont pas bonnes qu'à bosser au McDo. Rabzouz d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, à toute la jeunesse. Tous les gens blessés par la mort d'Hasni. Au marteau Blounès, les pères de famille solides comme des rocs. Mangeurs de tram qui trim, qui rame. Et les chauffeurs taxi comme Younes. À tous ceux qui me connaissent, les gros robeux costauds comme Conan. Avec une moustache, même les espices de Kounas. Ceux qui marchent pieds nos bleds et en France on détruit plein les godas. Ceux qui t'attaquent à la caillasse, les dégoulasses, les plus tenaces. Rabzouz, mets ta blouse, prépare le mouton. Prépare ton bus de Marocco, jack ton auto. Avec ma tête d'arabe, je passe par les barrages et les douanes. Mon frère s'appelle Halim et je côtoie tous des Moussa et des Hadouan. Le genre de mec qui préfère les merguez aux saucisses. Un montagine assise de Marrakech ou bien de Tunis. Je viens de l'Algérie, là on trouve les plus belles moustaches. C'est le rap des boulules, mafia chafoué, accomplit sa tâche. Être étranger à Paris, une vie, une aventure. Mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. Au moins genre de tram qui trim, qui rame. Un optimino qui font le ramdan. Une vie, une aventure. Mafia africaine, on te raconte nos mésaventures. Au mangeur de tram qui trim, qui rame. Un optimino qui font le ramdan. Sheba, vas-y fais nos ta danse de ventre. Rabzouz, Rabza, on frappe pas direct au rang. J'suis pas un fils de marquis, ni des rares, c'est rare qu'ils me disent. Wesh le buzz, toujours un rabuzz, l'arbé. J'représente famille nombreuse et clando qui vivent sans faf. Du bled à Montécart, ce qu'on a inscrit à la CAF. Des boules à chameau dans le rap, et j'veux mon oasis. Normal que j'sois à l'aise, elle est belle, le coach me siffle. J'suis à l'image de mon village, du bled, des faux barrages. Étranger à Paris, une vie de mer, peu importe ton âge. Au mangeur de tram et de tajin. Doromos, Paganem, jusqu'à Médine. Être cousin maghrébin, on fait l'hip hop. On sait pas braquer, on sait aussi breaker. Et hop, un tour de coupole. J'ai copié les pas des clips, moi aussi.